Vacances de rêve en Guadeloupe. Passer une semaine sur une île, au soleil, en plein hiver. Forêt ou plage, randonnée ou natation, vous avez le choix. Vous ne vous occupez de rien, vous partez l'esprit tranquille. Sur Grande Terre, vous passez vos journées sur les grandes plages de sable blanc. Vous nagez dans l'eau bleue de l'océan Atlantique. Bien sûr, vous pouvez louer un bateau pour explorer l'océan avec ses poissons. Sur Basse-Terre, vous découvrez la richesse de la nature, avec le parc national et sa magnifique forêt. N'oublions pas le volcan de la Soufrière, un site exceptionnel. Vous aimez la cuisine? Venez goûter des poissons merveilleusement préparés, des fruits de mer tout frais, des fruits tropicaux, des épices, des apéritifs de toutes sortes. Le prix comprend le voyage en avion aller-retour Paris-Pointe-à-Pitre, les transferts et le logement. Vous serez logé en chambre double, dans un hôtel 3 étoiles en bord de mer. Et bien sûr, aucun problème administratif. Vous êtes en France, la monnaie est l'euro.